émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Jul. C'est parti pour le Planète Rap consacré à Jul entre 20h et 21h, même un petit peu avant 20h. Comment ça va ce soir? Ça va ou quoi? En pleine forme? En pleine forme. Avec toute l'équipe qui est là. Et oui, on est en direct sur Internet. Parce que j'entends, on est en direct. Ouais, il y a les images, il y a tout. Allez-y, vous pouvez mater, c'est sur skyrock.fm pour mater les images de ce Planète Rap comme chaque soir. Jul, alors cette journée parisienne, quatrième journée parisienne, bien? Ça va, tout se passe bien. Rien à signaler? Rien à signaler. Les gens sont sympas? Ouais. Ça fait quoi les journées? C'est beaucoup de promos? Eh oui. Beaucoup de repos? On fait que ça, non. Promo, repos. Et repos, promo. Voilà. Ça va dans les deux sens. Bon, ce soir, pendant une bonne heure, il y a du live de prévu. 20 minutes de live. 20 minutes de live. Ouais, ça monte en pression parce que hier, même en début de semaine, tu nous as promis un gros freestyle. Vendredi, demain. Pour demain. Ouais. Mais là, petit à petit, donc c'est. Ça s'approche. Ça s'approche, donc ça chauffe. Ce soir, 20 minutes de freestyle. On débutera donc le freestyle à 20h30. Soyez là, prévenez un petit peu tout le monde avec le hashtag Jul sur Skyrock. On fait un petit point sur ce qu'on a eu parce qu'hier, on a eu un gros freestyle aussi. Hein. Ouais, tu as aimé. Hier, il y avait ton ex-groupe, Ghetto Phénomène, qui était là. Voilà. Et puis l'équipe, hein, Kamikaze, Sosomanes. Tout le monde était là et ça donnait ça hier à l'antenne. Écoutez. Comme un phénix, débarque dans la street comme John Rockefeller. Minimum, on est best. Ghetto fait nos best. Qui veut venir nous tester? Vini, vite, vite, sur la porte. Qui tue? Ghetto phénomène, boy, c'est la grosse poitrine. Petit, qui tu te crois? On est venu tout baiser dans le game. Sans petit pas, j'en dis pas plus. Un petit pas, on arrive au the game. GP, ouais, gros, on fait la diff, on est dans tous les baladeurs. Avec le temps, j'ai mûri, la concu a pourri. Ne sois pas jaloux, c'est dans le sens baladeur. GP, 800, truc de malade. GP, 800, truc de malade. Simon, Nami, Ama, Locker, bâtard. On a malade. J'fais du sang pendant que tu dors. J't'évite quand j'vois que tu dors. J'travaille ma plume sans ça, j'vois pas ce que j'aurais pu faire. Pas le temps pour les miss, pas du genre à offrir le bouquet. Si je veux à l'heure qu'il est, je me barbaisse pour 1000 batapouquettes. J'ai vu des scènes de fous, des photos armées sur des stunts. Des grands dormir pendant que les petits braquent et même tout skunk. Vroom, vroom, t'as reconnu l'engin. Pour ça que tu viens parler comme si t'étais mon frangin. Mais dis pas qu'est-ce que j'ai, t'étais qu'un étranger quand j'étais en chien. Ça se fait la guerre, ça parle un peu et en chien. Se casse le cœur pour un beau déhanché. À la recherche d'une pour quand on tasse. Pas la fille, bien, pas de votre quand on casse. On tasse pour t'aller dans les tropiques. Pourtant, je t'écoute, t'es ma copie. Ah, c'était hier soir dans l'émission, entre 20h et 21h, gros live. C'était la crise au mic. C'est la crise au mic ce soir entre 20 et 21. Avec Jul, ses invités. Il y a d'autres invités d'ailleurs de prévu ce soir. On a pu voir l'Algérino là avec lui. Oui, j'ai croisé. Voilà. Il est où l'Alger? Je sais pas. On l'a perdu dans les couloirs. On l'a perdu. On va le retrouver. Voilà, après il y a toujours le Ghetto Phénomène avec nous. Et ils sont retournés à Marseille, ils sont restés, ils sont là l'équipe. Et il y a Kamikaze et Sosomanes. Et il y a Mad Dream Team Jul. Fabio, Chico, Simo, Mortadan, Bob, Malik. Salut tout le monde. Charlie, Tota. Le voilà le beau Fabio, gosse, il arrive, il fait une entrée. Regarde. Voilà. C'est la crise au mic, mec. Alger, viens t'installer deux secondes quand même. Viens, parce que je sais que toi avec Case, je me souviens que vous étiez là en train de me dire, tu vas voir, Jul, il va tout exploser. Alors moi j'étais, c'est vrai, l'un des premiers à dire que exact. Ce monsieur était un monstre. Marin. Ouais. Merci frère. Une fois que j'ai écouté, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit ce mec il a un truc. Et il va faire. Et oh. Tu connaissais, tu le voyais un peu déjà depuis. Moi je vais souvent à fond vert, donc j'étais souvent en studio, donc j'écoutais les trucs, mais le pire c'est que je voyais qu'il évoluait. Lui, je sais pas s'il a vu, mais il évoluait très très rapidement. Non, j'ai pas vu. Et dès que j'ai vu que mélodiquement il était au top, j'ai dit ça y est, le mec il va tout péter. Et bah voilà. Et c'est correct. Et c'est correct. L'album Dans ma paranoïa, il est correct aussi. Non, mais surtout. L'Alger, cette coupe est correcte. Mon ami. J'hésitais à te le dire, oui, mais. Non, mais ce qu'il faut. C'est très très aussi. Réussi, hein. Oui, non, j'aime bien, moi. Parce qu'il y a une partie, alors j'explique pour les gens qui nous écoutent qu'à la radio, une partie très. Ouais, c'est. Très en hauteur et sur les côtés bien dégagés. En ce moment, on m'appelle Johnny. Je veux rajouter aussi un truc. Vas-y, parce que là, il a du talent, mais il a aussi une équipe derrière. Et c'est ce qui a fait aussi la différence. Quand tu vois des acharnés comme Charlie derrière, Tota, tous ses amis aussi qui sont là. Et c'est une grande, grande réussite. Et je suis content pour ma ville aussi. Je vous représente bien. Merci. Voilà, mon ami, on a tout dit. Tu restes avec nous. Ma chicha. Ah, bah ça marche. Allez, non, vas-y, je te casse. Non, non, ça va, on reste. Allez. Reste avec nous, l'Alger. Ça y est, tu es bloqué là. L'Alger, en tout cas, il met pas de casque. Il a peur d'abîmer sa coupe, je vous le dis. Bon, allez, on débute avec la tête de freestyler là. Ouais. C'est les nouveaux freestylers. Correct. Bon, on balance le morceau dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa. Je suis dans ma paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Ami, ennemi, y'a un mot et un calomnie. Et mon vie est pas le gros, ta drogue vient pas de Colombie. J'suis pas Snoop Dogg, check ça vend de la douce drogue. Doucement, douce fuck, ici douce fraude. Dites-moi si j'ai changé, dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me test, non mais attends là, what's your name? J'connais pas les femmes mais j'ai ce qu'elles veulent. C'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles veulent. Chez ta mère avec même pas 100 balles. Tu fais le zinger, tu coupes mal un kill. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles. Elles sont très très mal les filles. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Tu quittes la cité. Pourquoi t'es pisté? C'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet. Ça y est, j'suis vidé. Là, j't'écoute même plus. J'mets pas d'avis derrière moi. J'mets pas de pointu. En bruit, grosse pointure. Parking, coup de ceinture. C'est dur de se voir glisser quand le sol est en peinture. J'suis très bien quitté. Dis-moi qui j'suis. Dis-moi si j'fais des fautes. Des fois, j'sais même plus qui suis. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa, laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. J'suis dans ma paranoïa. Paranoïa, laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre, j'tente ma chance, j'veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent les gens. J'calcule rien, j'fais ma vie, je sais que rien n'est acquis, mais j'donne tout pour ma vie. Rien à foutre, j'tente ma chance, j'veux rentrer dans la Paranoïa, c'est aussi le nom de cet album qui arrive au disque d'or pour Jules prochainement là dans les jours qui viennent avec ce morceau Dans ma paranoïa. Bientôt disque d'or. C'est la crise au mic, mec. Voilà, c'est pas la crise au mic, et tant mieux d'ailleurs, puisque l'album est soutenu. Il y a la team Jules qui soutient. Ouais, ça fait plaisir, un gros merci à eux. Vous envoyez des messages. L'Algérino, il est toujours là ou pas? Il est parti. Non, mais je voulais avoir toi qui es spécialiste S langage marseillais, parce qu'à un moment dans la chanson, il dit je fais pas de pointu. Je mets pas de pointu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu me clashes quand tu dis je mets pas de pointu? Quoi? J'adore mettre les pointus. Ah, c'est des chaussures classe. Ah, c'est ça. Voilà, c'est des chaussures classiques. D'accord. Donc, des fois, jamais. Moi, c'est Prada. Tu n'as jamais mis des pointus, Jules? Non, jamais. Bah, ça arrive. Mais je vais t'en ramener une paire, tu vas tomber par terre. Ah, me sors pas des épées. Moi, je mets des pointus. Tu vas voir. Donc, voilà, c'est ça. C'était le petit doute que j'avais dans ce morceau. Je mets pas de pointus. Mais ouais, il faudrait que tu fasses un lexique. C'est vrai que pour certains. Elle est pointue, c'est les chaussures très pointues, tu as vu que. Mais c'est pas ton style. Pour aller en boîte et tout. Moi, non, ou alors, regarde pas de la G, comme tout au long de la journée. Tout au long de la journée, je mets pas de pointue. Pas les pointues, par contre. Non, aujourd'hui c'est repos de pointue. Voilà, repos de pointue. Je mets pas de pointue, moi, j'ai peur de faire des balayettes en boîte, tu as vu. Bon, d'ailleurs, toi, la prochaine date, c'est demain. Tu joues demain. Demain au White Dream. Mmh. On va mettre le feu à Paname. C'est la crise, ouais. Et dimanche soir aussi, je crois que tu es quelque part en France. Dimanche soir, je suis au bazar. Ouais, à la maison, à domicile. À domicile, on va mettre le feu. Direction Marseille au bazar pour retrouver Jul avec son album Dans ma paranoïa. Le morceau alors le plus demandé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les pages Skyrock, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, extrait l'album Dans ma paranoïa. On vous demande chaque jour quel est le morceau que vous voulez écouter. Le résultat aujourd'hui, c'est trop. Je peux pas me lever tôt. Tu veux qu'on le balance ce morceau maintenant? Vas-y, on voit. Allez, c'est trop maintenant, c'est extrait l'album de Jul sur Skyrock. Je suis ailleurs, c'est trop. Un bon anniversaire à Najib. Une dédicace à Teddy. Une dédicace à tous Saint-Jean-la-Pointe, à tout fond vert, à tout Marseille, quartier nord, quartier sud. C'est la crise, Mike, mec. Je rentre pas en boîte, faut que le videur. J'ai plus de BDH profiteur. Je suis ailleurs, comment vous dire. J'ai mis de la beuh dans mes grinders. Je suis qu'un jeune de cité. Je vois des belles femmes, je suis excité. Demande pas de choisir. Ma mère, je vais jamais la quitter. Plus d'amour, faut pas décoller. Putain, leur dit à tout donner. Tu me dis qu'elle c'est une fille bien, mais tout le monde dit qu'elle s'est fait donner. Du mal à dire qui est mot, pourtant on est collé comme des siamois. Je m'en cherche à toi mais j'ai pas les mots, car tu sais que la fierté c'est en moi. Je veux pas me lever tôt, je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt, je laisse le passé dans le rétro. Je veux pas me lever tôt, je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt, je laisse le passé dans le rétro. Et je vois des signes, mon avenir dessine. Mon but finit riche, avoir boule à gilo dans ma piscine. Tu te sens avec moi, non mais j'hallucine. C'est quoi ma faute, excuse-moi, je préfère ta cousine. J'peine sous cigousse, fais gaffe sur qui tu t'appuies cousse. T'es trop sur les nerfs, t'énerves tout le monde, faut faire la picousse. Comme le linge et le blues, dans le mal on est tous. C'est l'hiver dans le sud, il fait chaud, trop de shit, oublie vite, on étouffe. On n'a rien à voir, écoute. Sur toi je doute. Attends que tu fasses ma bouteille avant de te dire que tu me dégoûtes. Je veux pas me lever tôt. Je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt. Je laisse le passé dans le rétro. Je veux pas me lever tôt. Je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt. Je laisse le passé dans le rétro. Et voilà une petite dédicace pour les filles détenues à Rio de Janeiro, le dragon, Mariamou et Babou. C'est la crise au mic, mec. Hein? Badji, et Badji, Stifleur, Ibrahim. On n'oublie pas aussi Sabrina. Ok, Elissa. C'est la crise au mic, mec. Et on a pu voir l'apparition de Demon One. C'est la crise au mic, mec. Une grosse dédicace à tout Marseille. Une grosse dédicace à Paname, aux frères enfermés, Beaumet, Luin, Wari, Jul, Le Ponté, Nanterre. Jul, notre invité entre 20 et 21. On saluait l'Algérino, mais il y a Demon One qui est là aussi. Demon One. Qui est venu supporter, qui est juste derrière toi, voilà, qui est là. Ah oui, on est venu supporter la famille. Ça va? Ouais, tranquille, et toi? Demon en forme? Ouais, tranquille. Hein. Jul, toi, tu l'as repéré aussi ou pas, Jul? Tu connaissais un peu le garçon? Oui, je le connais en fait par rapport à Tota. Mmh. À l'ancienne, je venais dans leur quartier, à Fond Vert, avec les anciens d'Intouchables, Derek Rec, MAMAD, Lermo, et Timbaku. Oui, ça remonte à un sacré moment en fait. À 96, 97, c'est là que j'ai connu Tota à Marseille. Et l'année dernière, je suis parti à Marseille, je suis en vacances. Et Tota m'a présenté Jules, il m'a dit, regarde, c'est un tueur, tout, tu vois, il m'a fait écouter ses trucs, tout ça, on était en studio. Et voilà, on s'est connu par rapport à ça, quoi, par rapport à Tota. Et donc, petite visite, sympa de te croiser. C'est la famille, c'est un honneur. Jul, est-ce que toi, justement, voilà, Demon One, toute l'époque Mafia Quin Free, c'est des gens que t'as écouté dans le rap français? Ouais. Et oui. Donc, que j'ai écouté ça. Qui ne l'a pas écouté? Les gens de ma génération qui n'ont pas vu le clip Pour ceux ou le clip Balance. Tous ces gens-là, là. Tous ces sons, c'était des tubes pour moi. Bon, bah voilà, Demon qui est venu faire un petit coucou et passer un petit coucou dans l'émission entre 20 et 21. Loupez pas, il y a du live qui se prépare d'ici une vingtaine de minutes. Petite question aussi pour repartir avec l'album dédicacé de Jul. Alors là, franchement, Fab, c'est cadeau cette question-là aujourd'hui. Cette question, c'est supra cadeau. Préparez-vous à envoyer les messages. Qu'est-ce qu'il y a, Tota? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un freestyle de dédicace. Dans deux secondes. Laisse-moi poser la question après freestyle de dédicace. Bouge pas. La question pour repartir avec l'album dédicacé. Vous envoyez la réponse au 41759 avec le hashtag Jul sur Skyrock. Comment s'appelle cet album de Jules? Trop simple. Allez-y, 41-759, le nom de l'album de Jules, et vous repartez avec l'album dédicacé. Total freestyle dédicace. Alors. Ah, c'est Jules qui l'est fait finalement. Une dédicace à Alicia Faisal et Shinez. Ok. Après, une dédicace à Asjin, au Beaumet, Amada, au Beaumet, Wassim, au Beaumet, Gilles, à Luine, Barbas, à Luine. Une dédicace à Schmetta, une dédicace à JP du 2B, une dédicace à Alamine, au Ponté. C'est la crise au mic, mec. C'est fini pour les dédicaces, messieurs. Ouais, reste une. Ah. À mon ami Clément, sa femme vient d'accoucher, il a eu une petite fille. Voilà, Clément, félicitations. Eh ben, bravo. Et à mon père et Rachid. Et une voilà, dédicace Rachid. À Mika aussi. Rachid, Mika au Le multi. Bon, vous... Et à mon frère Malik, voilà. On t'aime, Malik. Vous l'entendez, c'est une émission. À Malik aussi. Et à une émission et familiale, Planète Rap. On fait des dédicaces pour tout le monde. Pour Doudou, pour les, pour les nouveau-nés. À Houssine et Iliès, Fond Vert. À tous ceux de Fond Vert, Mathéo. Je n'aurais pas dû dire oui pour les dédicaces tout de suite. Malik. J'aurais dû attendre un petit peu. Christine, Anna et Jim. Messieurs, du calme. On a encore deux soirs pour les passer. Un morceau, autre morceau de l'album. C'est bon. Allez, on envoie quoi? Allez, lequel on part sur le son? Le son, allez. Ça vous va? C'est bon. Allez, coup d'envoi, c'est extrait de l'album de Jules. J'ai des douleurs, drôle de life chic, t'en as vu de toutes les couleurs. Maman, maman, ça me fait peur quand j'ai tout ce qu'amour nous attend. Je vais essayer de te gâter, moi je sens je vais pas la rager. J'aime fort même si des fois j'ai du mal à te faire un gâter. Désolé si je me suis fait inciter. Je sais que ça te fait peur de me voir traîner dans la cité. Et pour papa, c'est pas grave, je vous aime pareil. J'en ai là, là quand t'as des parents. Profite à mon ami. J'ai placé mon pas, avoir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai placé mon pas, avoir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai passé mon temps, avoir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, et que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai passé mon temps, avoir mes potes dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, et que j'emmène ma mère. Et toi petit frère, gâche pas ta vie. Eh ouais Chico, si tu rentrais, j'en suis pas ravi. Des fois j'pars la nuit, alcool j'évite les ravins. J'ai la boule au ventre quand j'rentre le matin. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'en aller. J'aime quand tu dors près de moi, j'aime te voir et t'entendre aller. Paul comme petit frère, j'crois tant que tu comptes libère. J'suis pour ton père, faudra s'y faire. Fais gaffe avec qui tu traînes, la vie c'est pas un jeu. Fais gaffe où tu traînes, j'aimerais t'arrêter. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potos dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potos dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, que j'emmène ma mère. Une dédicace pour ma maman, que j'aime fort, à mon père aussi, et à mon petit frère. Voilà, et à mon fils que j'aime, ma copine aussi, c'est la crise au mic, mec. J'ai passé mon temps, voir mes potos dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, et que j'emmène ma mère. Ouais, j'ai passé mon temps, voir mes potos dans la merde. Faut que je m'éloigne d'ici, et que j'emmène ma mère. ma mère. Ouais, ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potos dans la mer. Faut que je m'éloigne d'ici et que j'emmène ma mère. Ouais, ouais, j'ai passé mon temps à voir mes potos dans la mer. Faut que je m'éloigne d'ici. Mec, ok. Depuis le 24 février, album dans les bacs. On arrive du, on arrive au disque d'or. Alors, j'ai besoin d'un gros soutien de la part de ma team Jules. C'est la crise au mic, mec. C'est Jules dans Planète Rap entre 20 et 21 avec ce morceau qui s'appelle Le Son, extrait de l'album de Jules qui est dans les bacs. Morceau Jules un peu plus intimiste celui-ci, un peu voilà, ouais, perso. Sensé. Et je voulais préciser aussi un truc. Alors il faut savoir que le 16 juin, je sors mon street album dans les bacs qui s'appellera La Crise au Mic. Et il faut savoir aussi que le 2 mai, je partagerai l'affiche avec Rof au Dôme, le 2 mai à Marseille. Ah, Rof qui sera en effet au Dôme de Marseille, donc tu seras en première partie. Voilà, on va faire trembler les murs. Et bah allez voir Jules et Rof tourner Skyrock à pas louper. Toutes les dates sont sur skyrock.fm. Et donc le 2 mai prochain, du côté de Marseille. Je voulais juste revenir sur ce morceau qui s'appelle Le Sang, morceau un peu plus intimiste. Voilà, ouais. Où tu te livres un petit peu. Ben ouais, est-ce qu'ils ont compris justement la famille, puisque tu parles un petit peu de ta mère indirectement dans ce morceau, est-ce qu'ils ont compris la famille quand t'as commencé à faire du rap, quand t'as commencé à rapper, est-ce que ça a été perçu, et ça a été perçu de quelle manière? Pour ma famille? Ouais. Pour tes proches? Ben ma mère, elle savait que moi, ma mère et mon frère savaient que je rappais, vu que j'avais un home studio dans la chambre. J'avais mon matériel, tout ça, donc ma mère, elle savait que je rappais, mon frère pareil. Donc ils t'ont plutôt encouragé, quoi. C'était... Voilà, oui, tout le temps. M'a jamais empêché de rapper. Voilà, c'est ça. Que ce soit avec le groupe qu'on a connu hier, Ghetto Phénomène, ou maintenant en solo. Voilà, avec Ghetto Phénomène. Après, il y avait tous les... Moi, je rappais, je faisais des feats avec les petits de mon quartier à chaque fois. D'ailleurs, une dédicace à eux. Chaque fois je faisais des feats, je crois que j'ai fait plus de feats avec eux qu'avec des avec des gens bah, connus. Tu me disais hier que t'avais 700 morceaux en réserve. Voilà. Donc c'est pour ça que tu sors aussi rapidement un street album, parce que tu peux en mettre déjà une vingtaine. Voilà. Dessus. C'est quoi le 16 juin, c'est ça tu m'as dit? Le 16 juin, voilà. 16 dans juin. Les packs, on compte tout péter. Il s'appellera comment le street CD? T'as déjà le nom? Alors le street CD s'appellera La Crise au Mic. Bah voilà, tout simplement La Crise au Mic. Voilà. Et par téléphone on est avec Soussou de Bar le Duc. Soussou. Salut. Ça va bien, Soussou? Ça va bien, toi? Je te présente Jules, notre invité. Hey, ça va? Alors, ça va ou quoi? Tranquille. Soussou, j'ai posé une question il y a quelques minutes. Comment s'appelle l'album de Jules? Franchement, les doigts dans le nez. Dans ma paranoïa. Dans ma paranoïa. Voilà, dans ma paranoïa. Et bah toi, tu vas recevoir l'album dédicacé de la part de Jules. Il arrive à la maison à Bar-le-Duc. Je suis trop contente. Ton album, il déchire. Ah, merci, franchement. Tu l'avais déjà, Soussou? Ouais, je l'avais, mais dédicacé, c'est encore mieux. Tu vas pouvoir revendre l'autre. ou l'offrir, ou garder les deux. Voilà, garde les deux, c'est mieux. Je peux faire une dédicace quand même? Vas-y, Soussou. Alors, une dédicace à Andrea, Mélisse, Anissa et ma petite sœur Nabila. Eh ben, ça voilà. Roule. T'as une petite question? Tu veux dire un truc à Jules? Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, franchement, t'assures trop. J'ai tous tes titres, je kiffe. Ah, merci. Merci, Soussou. T'inquiète, je vais continuer, je vais tout péter. Ouais, franchement, c'est elle, moi je kiffe à fond. Quoi. Merci. Mais t'as entendu, il y a déjà un nouveau street CD qui arrive le 16 juin prochain. Ah, bah c'est bien, trop bien. Qui s'appellera La Crise au Mic pour la prochaine question qu'on posera. D'accord. Ciao, Soussou. Ciao. Passe une bonne soirée, on va revenir dans un instant. Jules avec du live qui se prépare. Voilà. C'est dans une dizaine de minutes maintenant, il y a du live, bougez pas, on revient. Tu voulais ajouter quelque chose, tu vois, avec. Je voulais faire une dédicace comme ça, c'est fait. Alors, une dédicace à Jaco et Toutou, Vidalocation, à Kamel de Villeneuve, Saint-Georges à Ouachi, à Tarascon, et à la Cité Rose à Pierrefitte. C'est la crise au mic, mec. Eh ben, bougez pas, on revient après ça. Ok, 1. Comme toi, Jules a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Over here and perform for me. She whine like a gypsy. From left to right, she a swing there. Wanna try get to get fling where, but you not feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but you know your own and we're not free, man. She not realize I am the DJ, so me take up the mic and then say, girl, you're the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, you're the bomb. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it, bam. She bubble and wine and turn it, yeah. Me a tell you, say a murder commit, yeah. Me not stop look for the body cause fit, yeah. She a top thing, she legit, yeah. Just wanna get piece of it, yeah. Come and work hard, never yet count of it, yeah. When me go play this hit, yeah. Take up the mic and spit, yeah. Girl, yeah, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, bomb, bomb. Diggy, diggy, bring, come, give it to me. Girl, yeah, the bomb. Come here now, girl. Come here now, girl. Bam, bam, bam, dig it, bam, bam, bam, dig it. Major Lazer à l'instant avec Sean Paul, gros gros morceau, hein, ça, on a l'impression d'être déjà au bazar dimanche soir avec, avec ce morceau. Gros gros morceau, hein. Comment il est dans l'ambiance celui-là. Il est dans l'ambiance avec Jules aussi dans l'ambiance dans un instant, gros freestyle qui se prépare. Voilà. 3-4 minutes, juste avant on accueille Issa de la Courneuve. Allo Issa. Ouais ouais. Ça va bien la Courneuve? Ouais ça va, ça se passe, hein. Eh bah écoute, bienvenue, bienvenue dans le planète rap de Jules. Ouais merci. T'es prêt à rapper Issa? Ouais, je sais pas qui est là. Eh ben, on y va, mon pote. Vas-y, kick ça. Session freestyle par téléphone. Balance tout, gros. Ah, baiser moucha. Ah, ok, ok. 8013, ouais, t'as l'adresse, gros bâtard, gros skip dans les jets. Pour que tu baisses, pour que tu les blesses. Oh, malin, ils ont nez dans la tête. Le bruit du papa, c'est plein ta maman. Pas de plein du corps de route. Et sur toi, de la tête, si les végans se soulevaient. On est souvent sur raté pour faire un ski, bah, on comprend nous, gros fils de table. On veut salaire sur la CDCA. Oh, là, j'ai vu tes tympans. Je peux m'appeler Brenda. Oh, 9300, ça a bien, j'ai chant. Fils de timbre, on veut toucher moi. Ne va pas nous dire que tu vas gérant. T'as jamais un géré dans ta vie. Il te manque un peu tête de soniquer. Je vais flipper, c'est je suis pas broliqué, calibrant sous la taille, c'est le black power. Je sais que comment on attendait à deux mois, ton pétard veut tous jump astronomique. Nous prends pas pour des comiques, au comico. Tu l'as j'ai ce blague, finis ta life dans une beca. On veut tous barrer à Pattaya, Rafale, la mer à Jaya, Kata. Tu cherches l'homme parfait, je l'ai dit, il est mort à mes jeans, slim, bandana. On voit les formes de ton bandana. Je ne sais pas Tom Tom, il nana, mais juste comme marijuana. Photo en France, rané ta l'œil, à parole, j'y avais. Le temps, c'est de l'argent, c'est ce qu'il a BAC. Merci à toi, Issa. Bon, ah ouais, c'était bon, merci Issa de la Courneuve. Bien, bien, ouais, bien. Ouais. Rappelle-nous, est-ce qu'on peut te retrouver sur le net, vas-y. Hey, mon Twitter, c'est Hitman Acapulco. FB, c'est Issa Hitman. Et petite dédicace pour finir. Ouais, dédicace. Carlis, Sup, Zeka, ITB, Melja, Kani, Jim C. Et les petites meufs qui ont écouté la télé ou pas. Ouais, ouais. Merci à toi Issa, passe une bonne soirée sur Skyrock là, on va passer au live dans l'émission. Fred, oui. Avant le live, je peux faire vite fait une dédicace. Ah. C'est la soirée dédicace. Alors dédicace à Makai, Deced, Ibe, Rijal, Kamel, Lasven, Reda, La Crise. Après une dédicace à Walid, Davdav et Bilou et Ahmed de Herbel. Après une dédicace à Toussaint Jean Lapointe, une dédicace à tout fond vert et une dédicace à toute l'équipe de Paname qui nous suivent, c'est la team Joule. Allez, Kaïs, quand tu veux, session live maintenant. Rien à faire, alors on fume, on consomme 7 jours par semaine. Et une dédicace à Steve en Nantes. On fume pour oublier, on consomme 7 jours par semaine. C'est quand même musique. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine, on consomme 7 jours par semaine. On s'accroche sous la semaine. On s'accroche sous la semaine. Ok. Kami Music fond vert, c'est l'usine. Terre, terre, grosse musique, pétard, shit, résine. Rap 1, 3, j'résine trop pour toi. Résiste jamais, j'me désiste. Arme, boucherie, légiste. Votre on ne parle pas, si tu sais pas grand chose, vous inquiétez pas. Si ça fait ma grosse dose, beaucoup parlent de moi. Alors je vénère quand je pose, tout dépend de moi et de celui qui compose. Rap toujours terre, terre, ça fait des dégâts. Ça se fait des coups de pute, après ça se dit des gars. Tour de langue de pute, j'irai droit au but. J'suis pas ceux qui discutent, ni ceux qui font des dégâts. Si tu parles, j'ai coulé, pourtant t'inquiète pas. J'suis ceux qui se relèvent, pas ceux qui se relèvent pas. Nigga, one, ça la relève, que des mettes pas tes lèvres. T'as raison sur les lèvres, j'irai pas, t'inquiète pas, non, pas rien à voir, les gars. Tu sens déterminé. Ramène pas ta gueule quand c'est terminé. Tourne c'est que le début, toi t'as terminé. L'arbitre a sifflé, c'est terminé. Pour peu, tu peux te faire allumer. Lève-toi du mur, je vais allumer. J'envoie la bombe, besoin d'une flamme. Le terre, c'est un faut le rallumer. Rallumer, je fume des gros calumés. H24, le renard enfumé. Ça fout ma patate, les joueurs rabattent. Faut pas arrêter, faut assumer. On consomme 7 jours par semaine. La conso est bien planquée dans la sacoche et sous la semaine. Les autres veulent tout savoir, à chaque histoire tout le monde s'en mêle. On fume pour oublier, on consomme 7 jours par semaine. On fume 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. La sacoche sous la semaine. La conso est bien planchée dans la sacoche sous la semaine. Sauf des liens, c'est des 4-4 bâchés. T'es wanted, donc barre-toi de cacher. Faut pas nous vexer, sinon on va se fâcher. Ça fait des gros gros, ça avale sans mâcher. Prête une balle, faut pas la gâcher. Pour ton magro, faut qu'il reste caché. Plus qu'à lâcher, pied dans le sachet. Crache dedans, pétard caché. Pourtant faut pas lécher. Si les choses s'entassent, pourtant faut pas laisser. Cœur blessé, panique pas stressé. Des salopes raffolent que des grosses fessées. J'ai essayé de faire du meilleur que je peux. Pourtant rien à foutre, faut que ça passe peu. Des comptes tous les jours, moi j'en casse deux. Pas de confiance, je peux tomber à cause d'eux. Ça fait du 13-2, tous les jours j'en poste deux. Mais je suis pas le boss du rap game. Pourtant je fonce, y'a très peu de monsieur. Je vois beaucoup de gosses dans le bat game. Pas de problème, tu veux du shit? Kane, Kane Astera, Kane Astera. Je crois que les MC font des shit graines comme du Zalera. Je suis pas les Kaira. Si t'as pas une, tu gagnes rien. Chana le rap, ça payera. Mais pour l'instant, je gagne rien. Ce qui parle, c'est ceux qui connaissent rien. Ce qui gagne, c'est ceux qui ne laissent rien. Ça parle pour rien, ça sneak pour rien. Ça cherche que des plans et que des casse-rien. Rien à faire, alors on fume, on consomme 7 jours par semaine. La conso est bien planquée dans la sacoche sous la semaine. Les autres veulent tout savoir, à chaque histoire, tout le monde s'en mêle. On fume pour oublier, on consomme 7 jours par semaine. On fume 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. 7 jours par semaine. On consomme 7 jours par semaine. Sacoche sous la semelle, la conso est bien planquée dans la sacoche sous la semelle. Yeah. Ok, casse poto, yeah. Ce sont Manes, Liga One and Juice. Ok, mec, ok. Yeah. A chaque fois que je kick, je te ken. Alcool, shit, je dégaine. Photo, c'est faire de la peine. Faire danser, te mettre la haine. Personne ne m'attrape, moi, quand je décolle. Kalashnikov posé sur l'épaule. Je pars en freestyle, je rafale, ça résonne. Ouais, je pars en freestyle, je rafale, ça résonne. Tu fais moins de vues avec ton clip que ce que je fais avec mon teaser. Moi, dans le rap, c'est comme mon charbon. Je découpe les rimes, je pose à 10. Dans la côte, ça sort, ça me ça cherche. Ça braque même ta soeur. Dédicace au cassos, vodka, cassis, bagasso, tassis. Mets des coups de taser ou cours, cours. Cours avec tes asics, ça les court la vie. Tu peux vite finir, oui, vite finir en cours d'assises. Vas-y, fais-moi la passe, je mets la lulu. Des fois, je perds la tête, j'ai des alulu. Je le fuck que celui qui veut pas que les gars one cartonne, je lui ouvre son cul. Je vois le buzz arriver, je fais jamais le mia. Je ne changerai pas pour des putes ou des billets. Je suis déter à l'heure qu'il est, je suis sous IA. Je vois les étoiles briller. J'ai baisé le rap, je suis venu l'enculé. Calif m'intitulé. Je vois la vie comme s'il est, j'hallucine, je vois les signes d'enculé. Jaloux, ne pas les calculer. Producteur, prépare ta calculée. Au culot, je les fuck, va fond cool. Au culot, je les fuck, va fond cool. Ça sert à rien de faire héros. On a cramé des gars, béraux. Quoi qu'il arrive, nique pas héros. Je suis pas dès que je suis pas ta mère. Je suis pas ton père pour que tu me parles ta mère. Arrête le rap, ce n'est pas pour toi. Tu plains tout, tu forces à vivre la galère. Je me défonce à l'air. YouTube comme ta l'air. 8 millions de vues en 5 jours, c'est qu'une fausse alerte. Comme Totorina, je me contenterai pas de Palerme. Je veux le boss, l'argent du boss, pourquoi pas la chatte à sa mère. Je fais la crise comme Bourriche, comme Tico, je suis terre-terre. Des terres, je pars en guéguerre, armé comme Schwarzenegger. Arrête rap, stop tout, fils d'up, stop tout. Fils d'up, tu lâches le costaud, je t'écline pour Junk Tonight. Stop tout, fils de, stop tout, fils de. Tu là tu fais le costaud, je t'éclipse trop John Colin. Kim Jet, c'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic. Ok, ok. Gosse élevé à coup de martinet. Gros pétard depuis la matinée. C'est du shit, pas du beurre qu'on va tartiner. Tu veux de la bombe, on va t'enfiler. L'argent facile nous a fascinés. Graine rasée, t'es cramé, t'es calciné. Ça rappelle plus à Marseille que dans le ciné. Demande à Jules, c'est le N35. J'ai des beurres comme un 635. J'pars qu'on a, j'en ai 23-5. On fera pas de calage, j'ai un 635. Sous le manège, c'est les quartiers nord. Pas de vaillante, va une balle chez moi. Scam, casse poteau, viens voir chez nous. Gros, ça lève les croises comme un Baltimore. C'est Kami, Musiki, Bouzili, Gawan, Industrie qui produit. On bosse nuit, des jours, l'industrie fournit du bon produit. Passe le bloc. Derrière pétard sous vodka. La galère est partout, c'est la même de partout. Donc si tu galères, dis-toi qu'il y a d'autres cas. Tu galères, je suis dans le même cas. Lourde dans ma vie, remballe tes MK. Rien que ça remix, y'a que des DJ. Mais après de vrai, demande à MK. C'est pour les vrais gars, c'est pour les vrais gos. On fume des mégas, jusqu'au mégot. Ça doit être Liga, on veut des lingots. Demande à Zinga, y'a que des dingos. Hein, hein. Y'a que des dingos. Joule, joule, joule. Sous son manès. Ok. Liga, Liga One. Yeah. Soso, manès. Joule, ça fait un. J'vois les MC, j'rigole. Des têtes qui donnent dans les geôles. Petit, rien à foutre de l'école. J'pensais déjà au pactole. À 22 du semi, à 35 du paquis. J'peux me croiser dans ta ville ou avec Joule dans le maquis. Liga One Industry, le week on contrôle la street. J'rappe pour tous mes hafrites. Hachon, la bombe afrique. Guerre sunnite, cheat, les vrais sunnites soniques. Chargé, c'est mort dans l'hispanique. Bleu derrière moi, jamais j'panique. Quoi, j'ai ces villes, pas germanique. Tu bonnes sirènes, pourtant j'lanique. Tu bonnes sirènes, pourtant j'lanique. C'est la crise au mic. Kami Kami Music. Trop de soucis dans le cervelet, je me sens bien que devant le micro. Je fais le couplet par rapport au terre, je crois que j'en ai mis trop. Viens faire un tour dans le N3, Marseille ça vit trop. Je suis pas sous litro, sans cocaïne, je suis pas sous nitro. Pourquoi t'en dis trop, si t'as rien fait, pourquoi t'en fais trop? Ouais, qu'est-ce t'en dis gros, beaucoup rêvent d'être bandit professionnel. Toujours opérationnel, pour le bif occasionnel. Trop de choc émotionnel, le cœur glacé. Quand y'a pas de thune, l'affaire est classée. L'argent c'est comme les problèmes, faut savoir où les placer. Les bâtards ont remplacé, les clopes, ça joue au poker comme à la haïta. Ça mise tout avant le flop, entre potes et salopes. On sait même plus qui est qui. Trop baisse la culotte et marche avec des béquilles. Je me fous de savoir t'es qui. Tu respectes, je te respecte. Je rappe le mode de vie infecte. Si tu as pas compris, inspecte, je détecte le vrai du faux. Trop sont faux pour de vrai. On sait que chacun a ses défauts et que chaque défaut a son degré. On sait qu'on devrait faire les choses correctement. Dis ce que tu penses ouvertement. Quand tu vois que le mec te ment, sourciment, t'es cramé à cause du survêtement. Quand tu tombes, y'a ceux qui t'aident et ceux qui rient bêtement. Honnêtement, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et je me fous complètement. C'est ce que je racontais la même carte. C'est toujours la même confie. Toujours les mêmes confis. Histoire de thunes, histoire de baise à son même 11. Dans la confusion, ce qu'on a conçu une équilibrion. Sous perfusion, sur terrain pour une meilleure vision. Visionnaire, déterminé, quand même missionnaire. Je me sers d'un dictionnaire, avant l'instru, je le nique son air. Mais nique sa mère, si je suis vulgaire, sous buzz l'éclair. Je fume et je crache mes glaires, j'espère avoir été clair. Pas besoin de tune pour te plaire. Certains gars sont des michetos, hein. Tu vois plus clair après inter. Quand tu te lèves tôt, c'est comme casse-poteau. Beaucoup parlent dans mon dos pour les trafics, hein, un moto avec des kilos dans un sac à dos. Je peux pas refaire le rap, seulement l'aromatiser. Dans la merde, j'ai baptisé, la flamme, je l'ai attisé. Cherche pas à sympathiser, je suis là pour traumatiser. Le RAP, j'ai dérapé, mais pourtant j'ai baptisé. Le bonheur s'est déguisé, le bitume est bien aiguisé. Quand on tombe, on se relève, sans jamais s'épuiser. On revient en puissance, pas besoin d'être pistonné. Trop d'MC sont manque d'essence, ils se mettent à siphonner. On sait qu'on est dans le rap et dans le chitonné. On met le bonnet, peut m'en donner, sans oublier, j'ai pardonné. Au quartier, je suis abonné, comme une plaquette, je suis tamponné. Un gros pare-choc pour tamponner, un caisse de choc, on tamponné. Freestyle même dans la canicule. J'suis dans ma bulle, t'es fou recul. J'ai plus de train dans mon véhicule. Un 3-5 les matricules. Nique les flics, allez vas-y gueule. J'appelle le 17, c'est ridicule. On pourrait t'attacher en bas de l'immeuble. Nique ton équipe, j'ai les coques. J'suis trop la haine comme un nul coque. Donc jamais avec ton arme, c'est pas gros, donne même ça toque. Pour moi, c'est l'époque des packs, de la Twingo, pas du pack-em. L'époque où tous ces comics se mettent à rapper comme les mains. Tu m'aimes pas, j'aime pas, tu t'aimes pas, j'aime pas. J'sais que tu m'as carré, t'arrêtes de me faire tes airs de sympa. J'débute des bits, mais débute des bits. Je reste debout de bois avec un peu de buzz et un peu de vide. Mais t'inquiète, ça se lève de. Pourquoi tu tâches, tu n'es qu'un paille. Ton meilleur film, c'est American Pie. Je suis là pour un bail, je veux la médaille. Moi, d'avoir un texte pour les médailles. Faut que nous sommes tous nos Philippines. Des gens qui font Trilly Jean, Coca Bello. Vas-y, Jean, tu dis, j'en suis, même pas Midi. Plutôt Dolce, pas Gucci. Et au quartier, pour les abrétis. T'es contre piste, t'es contre, dis-moi à quoi ça aboutit. Me fouille pas sur le siphon. Bon, tu te mates comme faux cul, te casse ton cul. Si je suis là à la coupe, je te laisserai pas qu'un cul. Je t'ai pas dit, t'es qu'aucune. Pour qu'elle va dire que t'as les flics au cul. Ton pote est rentré, il veut que tu t'occupes. Et toi, tu fais rien, tu penses qu'au cul. T'es là, coclip, tu refais les loin, t'es que la copie. En ce moment, j'ai les dents sur un loup. Donc, tu surveilles ta copine, je la prends, je lui place gros. Dans la colline, tu fais le colline, pétard, votre carrette, belle Malboro, Philippe Maurice. Il s'est fait le yuk, c'est un petit sympa. Faut trop le mec, il aime bien sympa. Quand la roue finit par tourner, le crève et les jaloux finissent sympa. Pec et fiche, toi, tu nettes, une Mercedes, tu la trottinette. Moi, je rappe pour ce qui m'aime, le reste, les couples au pinel. Tu m'inquiètes. Cherche la kickette, faut que ça kick, je vois l'autre qui gagne. Quand il est fiqueux, quand tu finis seul, y'a des gains qui t'aiment. C'est normal qu'il y a des gains qui t'aiment. Tu fais trop le genre de mec qui ken. Siri you, moi je suis ken. Fight, fight, fight, are you ken? Moi je m'habille à la one again. Pour les boîtes que je mets les hogan. Tu fais la fille, moi je fais rien, t'inquiète, on sait tous que t'es une femme au peine. Tu me fais de la peine, en plus de ça, j'ai jamais pris la peine de te dire combien j'ai la haine. Pour ça que mon pote l'instru, j'ai la haine. Je fais bouffer mes Asics à la tête, y'a rien de magique. Et j'imagine Joul, dans le poste et tu t'agis. Je me fous de tes potes qui t'a balancé. Tu l'as frotté le cul, tu l'as bien rincé. Même si Joul, je prends le boy, je te fais sauter cousin, j'ai le flou FNN. Soso, Manes, Joul, avec moi les gars. Toto, Rina, Toto, Rina, ça fait. Les MC sont mes clients, veulent des dix très bien servis. J'suis désolé, ma petite victime, pour toi ça serait un petit. Arrête de me parler de semi, d'amnésia ou de paki. Le seul paki que tu connais, c'est le gars qui habite en Asie. J'viens d'acheter une calage, j'viens d'acheter un Uzi. Putain de mêlée, général, font verser Call of Duty, Vivi, Viz, Bernard Tapie. Équipe Capote, Incapi. J'braque ta tête sur mon capot si j'relope. Ça fait civil, barrage, caché, bloqué, pas trop, craqué, fier, croqué, posé, dompé, me va, tes pieds pourris, dompé, on t'a pété. Yeah, c'est ma sexy, si tu piches, j'ai vu dans ton rétro. On va te couper la langue, balance si tu pars trop. Photo, on fait première, on va quiller leur carrière. Tu veux dire, première. On va quiller leur carrière. Je manie les mots, oui, le mic, je le mange. Le rap, c'est le why, je fais des dommages. Marre de ces hommes qui se prennent pour des hommes. Si je gagne, la mange, je les canne. Oh oui, je m'engage à te péter les oreilles. J'ai mon langage, mon cabine, c'est les rings. Les jaloux, je les fais rangeant, t-shirt dans l'orage, c'est le j'ai péché. Prends le micro dans ce game, y'a du monde. Comme une bataille, c'est du rap et nous manque. Regrette le temps d'avant ma meute, non, on remet entre mille, ça se cogne. Mec, j'ai la dalle, j'irai, mais je donne l'Algérie, je suis pas taille, partant pour le dollar. Les choses bien aussi, non, y'a la temps, le temps, faut lever le cul, allez, travaille. Je suis pas de flic, je pas de flûte, tu peux l'entendre. Du rap olympique. Ok les man, je vais choquer le monde. Je vais choquer la maille sans faire de mort. Il a plus de problème, y'a des souliers, des handbags, oui. Des chaînes. La trompe en fume, mais tu perds des neurones. Mais 2012 quand tu jures le hall. Marre les coups, sans casser les couilles, je le passe sous les coups. Dans tes oreilles, ma vie se parle, je défonce les portes. Le proc sous coq favorise ton départ en cellule. Prends des corps du parquet du juge. Hack la politique dans le monde, me décasse. C'est comme ça, de toute façon que tu veux que je fasse. J'rappe depuis que je suis gosse, la vie n'est pas rose, elle me kiffe la haine. En ce moment, le moral, je l'ai pas. L'envie de me faire une caisse de départ. Le départ qu'on défonce les portes, je peux pas retourner à la case de départ. Moi je l'ai marre, j'ai eu ma dose. Marre du cynique, si je l'ai ma donne. Un pull up, une sa mère. Tu es ma dose, ma douce mise, tu joues les madones. Ma douce main qui te mène en bas. tu pourrais tout le gâteau si tu trahis ta tort. Ou mec, le rap, c'est mon élément. Moi, des problèmes, marque à moi, ils s'aiment. Tout l'acné, c'est mon domaine. Trop d'aïn, c'est le problème. Ils savent que c'est pas une boycott normale. Mais les mêmes aïn, mais les mêmes non. T'es dans le bloc, coup de poing comme un homme. Les corps rap, que tu fais en frappe. À mon esprit, tu peux y mettre des menaces. Je suis mon ange, car j'ai des mains. Car tu as gosse pendant que t'es mort. Et pour l'année, mon grosse caisse, t'es mort. Je suis le futur, parle pas d'avant. Cette vie est dure, je fais pas le savant. Sur la ceinture, demain j'avance. Mal oui, j'ai mal, je régis, je passionne. Le rap, c'est juste une passion. Juste une passion. Une passion, bon. I-N-B-E-L-E. J-O-L. Si je pose mon set, c'est pour faire la diff. Au sein, tu sais ce qu'on aime, négro, c'est le pif. Grosser des canons, fait sur la bécane, non, c'est pas pour le kiff. Peser des camions en détail ou en gamme, pas direct dans le pif. Comme de pute, on te traîne sur le temple. Pour acquérir mon pute, je pute. Oui, je te pisse ta temple. Te pisse ta temple. Oui, bâtard. Te pisse ta temple. Je te pisse ta temple. Tu peux remettre l'instru, DJ Kai, s'il te plaît, la famille. Tu peux remettre celle-là. Ok. Camille. Camille, casse poteau. Oui. Ok. Tu casses à Chico. Tu casses Washington. Musique. Je rappe toujours en direct des bas-fonds. Je rappe rapide, pour toujours pas à fond. Je suis trop haut, j'ai percé le plafond. Tu sens la merde, pour te prendre pas fond. Même pas nager, l'eau c'est profond. Pour percer dans le rap, il faut des gros fonds. Jalouse pas quand je te la mets profond. T'as qu'une occasion, faut la mettre au fond. Confond pas les vrais défauts, assume. Chacun ses défauts. Là, tu le mènes en mandat dépôt. La juge te juge par défaut. Et peut devrait te juger par défaut. Faut faire les bonnes choses quand il faut. Quand on doit faire les choses, on les fait pas par plaisir, mais plutôt parce qu'il faut. Pour faire les choses pour soi-même. Ouais. Si t'es un bon plan, pour te ramène. Ouais. Prends pas la grosse tête, reste toi-même. Ouais. Je demande à personne, je le fais moi-même. Ouais. Tu veux quoi, mec? On se goûte pas, mec. Je frappe dans le foie, mec. Ou dans l'abdomen. Dans les pommettes, je donne les comètes. Tous les jours, j'écris sec, je suis dans mon domaine. On se promène jamais. J'achète pas de vie tous les jours, jamais. Si tu fais un truc, il faut le manier. On joue pas le nul, on joue pour gagner. Ton rappeur sont fanés. Crois-moi, je rappe depuis bon d'années. N'oublie pas les frères qu'on connaît. Pour te représenter tous ceux condamnés. Damné. Condamné. 1, 3, 0, 1, 4. Tu connais le matricule, chinois, black app. T'es ridicule dans tes clips, toujours les mêmes sables. Redis ça sur terre, tu n'es pas à sable. Ok, parle de pute, je veux le tirer, t'es tranquille. Tu fais le king quand je te vois un mec, t'es docile. 13-0-14, elle vient payer le domicile. J'ai le swag à Mani et les couilles de Totorina. Fais gaffe au feu rouge salope, ça peut faire la tatata. On rap un braque, H24 sur le tarmac. À la bac, on moufle le sac. Pas de strike et on se baraille à ta part. T'entends pas, on se baraille à ta part. T'es rentré ta part pour cap, t'es quête frérot, y'aura ta part. Y'aura ta part. Ghetto phénomène, ma gueule. Ghetto phénomène, tu, ça fait, yeah, un. Tu, j'suis dans mon monde, aïe, dans mon monde de Qatari. Mais j'suis pas de Paris, dans un autre délire comme une Ferrari. On te laisse par terre, nique sa mère pour Ferrari. Dans un autre monde comme Ferrara. T'as petit pitch pour faire un pic, t'as pas 5 pitch pour faire la rame. Obama, on simule pas nous quand tout va mal. Quand tu fais que tirer des rails sur les trains de Tijuana. Marseille, que ça parle de Kalash, tu sais pas où t'es bazooka. Tape tes bras pendant que toi tu tapes tes bras sur bazooka. Shit, beuh, Asoudam, flic, beuh, Asoudam. Cléo Porsche, elle soupe sur le beat. J'ai plus laissé sous pas tes vitres. Crie sous pas dans un hôtel des pits ou pas. Dans un cortège, ça brille tout ça. Sous quitte ou pas, yeah. Y'a pas de coup de grosse monnaie. Y'a le best en équipe, c'est le best en équipe. C'est Marseille en Formule 1. Big best, toute la France et des petites petites pointes sur le AK. Et les petits parts, j'ai des fame. Mais ne pense pas que c'est le format A4. On arrive, c'est le jour, Bill c'est le zoo. Ghetto fait le combat, c'est le zoo. Qui pour la concu, c'est Nico Mouta. Ça c'est mon frère, c'est le house, hein. On arrive, c'est les gâtons. À la j'ai tout tes gâtons. C'est le ghetto sous ta capuche, c'est pas le gène jusqu'à ta tombe. Tu, phénomène du ghetto, ma gueule. Easy, phénomène officiel. Les gars, one industry, plus de mic, paranoïa dans les bacs. Plus de mic, faut que je tasse. Sache-le. Plus de mic, faut que je tasse. Oui, de. Oui, sache-le. Ok, plus de mic, faut que je tasse. Que je m'en aille avec ma tasse. C'est une glace, c'est le paradisiaque. Yes, l'incompataille, la vie de ma race. Morale de bâton, et bien on le reste. Y'a pas de bâton, plutôt du bâton. Non, terre, du caillon, on t'offre le reste. Je rajoute les aides, ça vaut qui bug trop taf. Bitch, on me pèse mon crayon, veut le million. Sans se faire humilier, caractère des lions. Pèse à le foyer, aussi discret qu'un fugitif. Appelle-moi le caméléon. Fais la diff et pour le pif, on te rend caméléon. On gère les doses, et on fera passer ta mort pour overdose. Alcoolisé, je bois du rosé, mais pas le mac, un autre plus va t'arraser. Alcoolisé, je bois du rosé, mais pas le mac, un autre tableau va t'arraser. Je peux le faire. C'était la session live à l'instant. Session live avec Ghetto Phénomène, avec Kamikaze qui était là, avec Joule. C'est fini pour le freestyle. Demain, il y aura du live encore beaucoup. Ouais. Demain. Sinon, après, vous, je vous connais, on est là jusqu'à 23h avec le freestyle. Merci à Joule, merci à toute l'équipe. Juste avant de se dire au revoir, on va faire tourner rapidement la roulette, c'est parti. Viens gagner ton iPad mini, des places de ciné babysitting, plus ta compile Planet Rap 2014. Salut Clément de Montauban, ça va bien? Voilà, Clément, tu es où? Tu es au fond des toilettes, tu es où? Ok, j'entends rien, c'est pas grave, tu vas nous dire stop et dès que tu veux. Tu es au sol ou quoi, Clément? On n'entend absolument rien, Clément. Ah, ne touche plus à rien. Clément? Ah bah voilà, avec toute la famille, Clément. Tu repars avec l'album Planète Rap. Tu retrouveras d'ailleurs en exclu Joule et le morceau Dans ma paranoïa. La clé USB logotisée Planète Rap, celle-ci elle va valoir cher. Hein. Je peux te dire, garde-la Clément. Et les places pour aller voir le film qui cartonne Babysitting aussi, il y en a deux pour toi. Ok. A plus Clément. Problème de liaison avec Clément. Merci Joule pour cette soirée. Merci, un gros merci à vous, Skyrock, Fred, tout le monde. Un grand merci à vous. Donc demain, que va-t-il se passer? Demain, comme je l'avais dit, hein, gros freestyle. Hein. Mais parce que là on a déjà eu un gros freestyle avant-hier aussi, on a eu un gros freestyle hier aussi. Ah ben on fera pareil alors. On essaiera de faire encore mieux. Bon, et ben rendez-vous donc demain un petit peu avant 20h. Voilà. Avec Joule, avec toute l'équipe, on va remercier Case qui était là. Voilà, un gros merci à DJ Case. Et qu'on va retrouver dimanche pour Rail Suprême. Dimanche à minuit. Voilà, ouais. Dimanche Rail Suprême. À pas louper sur Skyrock. On l'a déjà fait avec Joule, c'était de la bombe. Ouais, voilà. C'est vrai. Et... Ah, de pain, hein. Avant de partir, vous dire que l'album de l'Alger sera fin août. Sera il est où l'Alger? Il est parti déjà l'Alger? L'Alger, je sais pas où il est, mais ah, il est là. On l'a l'album retrouvé, sera pour le fin août, pour l'Alger. Fin août. Et franchement, ça sera un album lourd. Eh oui, il vient de signer avec Gims sur Monstre Marin, sur le label de Gims. Ouais, exactement. On est sur Monstre Marin. Présidé par Gims. Et donc l'album août, c'est ça? L'info est juste? Ouais, l'info ouais, est correcte? C'est ça, fin août. Ouais, Aigle Royal. Aigle Royal. À pas louper. Il y a un morceau avec Joule d'ailleurs. Ah, bah j'allais te demander. Demain peut-être qu'on l'enverra. Voilà. On l'enverra. Et bien en attendant, il y a aussi les bronzés font du bif. Les bronzés font du bif, ouais. Qui est sur Sky. Tu as le titre aussi, on a envoyé le clip Ça va aller. Mm-hmm. Et les DZ Ario, il sera dessus? Les DZ Ario, il sera pas dessus. Je l'avais envoyé juste pour un petit cadeau comme ça. Ouais, qualification, l'Algérie en Coupe du Monde, on a envoyé un titre. Voilà. On représente toujours. Mais merci l'Algérie d'être passé. Tout le plaisir est pour moi. Moi, on est là, on supporte l'équipe Liga One, toute l'équipe. Toute l'équipe Charlie, qui était là aussi. Joule. Oh, et Joule de retour Soso, demain. Fabio. Yeah, Chico, DJ KS qui est là. Simo, Mortadan, Baby Boy, Maxime, voilà, la famille. Tony. Merci à vous tous, on va retrouver. Grosse dédicace aussi à Sonia, Djibril et Alia, je vous fais de gros bisous. Et ben là c'est parti maintenant, on va retrouver Difool. Eh oui, salut l'Algérino. Salut Difool. On s'est croisé dans les couloirs l'Algérino, je t'avais pas capté. Eh, je sais, je crois que c'est la coupe. Ah oui, j'ai pas vu non plus moi. C'est quoi tout le monde, il y a personne qui me reconnaît avec. Oui, il a une nouvelle coupe. Ah, c'est la nouvelle coupe. Ah, vous avez loupé. Ah bah oui. Je me suis dit, j'ai pas vu. C'est l'Algérino, c'est son cousin. C'est le même Sami. En gros, je t'ai même pas reconnu. Ah, je t'ai mis le crampe et tout. Ah ouais. Obligé de. Oh, Sami. Tu es en cause, bro. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'explique. Nouveau label. Voilà. Nouvel album. Tu es en du large, voilà. Bon, c'est bien. Tu pourrais faire un don de cheveux à Romano parce que t'as quand même une bonne épaisseur. Un problème. Là pour faire ça, il lui faut 10 ans. Non, mais tu peux faire des implants, Romano. Ah ouais, j'avoue. On va lui proposer. On va lui en faire. Il y a des bons plans en Tunisie pour les implants. Merci l'Algérino. Merci à vous les mecs. En tout cas. Et on te retrouve régulièrement sur Skyrock avec les bronzés font du bif. C'est correct. Oui, c'est correct. Et merci Joule. Merci pour le planète. Bah, Jules, il prend des photos là. Donc, photos pour Jules. Il fait le beau gosse. Il n'entend plus rien là. Il prenait une photo là. Le rendez-vous demain, juste avant 20h. Ça y est, il vous entend. Pour la dernière de la semaine, Jules, avec Fredo. Demain, on va leur mettre le feu. Ah, le feu demain, donc soyez là. Ne loupez pas le rendez-vous, c'est vendredi pour bien démarrer le week-end. Parfait. Juste avant 20h, Planète Rap est là dans un instant. C'est parti pour la radio libre. On démarre avec Madame Pavoschko. On se fait le son de Black M version Romano et toute l'équipe arrive. On est là en direct jusqu'à minuit. On vous attend au 01 53 40 30 20. Allez-y. Hein. C'est la crise au mic. C'est la crise au mic jusqu'à minuit. C'est parti. Ciao. Ciao Fred. Samedi.